tienne est à sa place. Même en ayant un diplôme, tu obtiendras jamais une place dans cette société. Il faut se le dire franchement, faut pas se voiler la face. On a été mis à part face aux gens qui ont la liasse. Isolé dans tes tours mal exploités, que le monde d'aujourd'hui croque la vie, c'est ce n'est fait de la coque ou soit de braquer. Et l'État qui nous ouvre pas les portes, je m'utilise à celle de l'under. Moyen de convaincre dans ma patrie, on a notre mot à dire. Que les fissures, nos murs brisent le silence. Qu'avec le peu de moyens, on arrive toujours à créer quelque chose de positif. Je parle au nom de ceux qui ne peuvent plus attendre. Que même pour un boulot, ils seraient prêts à te descendre. Alors où je pars, la rébellion se manifeste. Car la war s'est déclenchée. Nos chances de réussite sont dérisoires. Trop de promesses illusoires. On veut plus voir nos frères sombrer dans le noir. C'est la war. Reprends les armes pour ceux qui ont perdu espoir et qui ne veulent plus croire aux promesses illusoires. On veut plus voir nos frères sombrer dans le noir. C'est la war. Reprends les armes pour ceux qui ont perdu espoir. Esprit revanchard car tout espoir se meurt. Mis à l'écart, isolé ou sans zone de demeure. Chômeurs ou braqueurs font partie du décor. Un gouvernement trompeur, arrête-moi si j'ai tort. Destiné à un échec soigneusement comploté. L'État trop hardcore dans nos têtes un désordre. Trop souvent confronté face aux forces de l'ordre. Chacun suit son chemin et la vengeance s'amorce. Mec déjà tout gosse, l'under m'a pris de force. Une haine qui fauche tout, telle une balle qui ricoche. Un taux délinquance qui nous choque dès notre enfance. L'État au sommet complote et nous enfonce. La rue te prend de force et te perd dès ton enfance. C'est la war, plongé dans le noir. Les lueurs sont rares, à tête du désespoir. Enfermé au placard, mec déclenche la war. Nos chances de réussite sont dérisoires. Trop de promesses illusoires. On veut plus voir nos frères sombrer dans le noir. C'est la war. Reprends les armes pour ceux qui ont perdu espoir et qui ne veulent plus croire aux promesses illusoires. On veut plus voir nos frères sombrer dans le noir. C'est la war. Reprends les armes pour ceux qui ont perdu espoir. Les lieux où l'on demeure, là où tout espoir se meurt. Aucune couleur que les façades de l'extérieur. Histoire de maquiller toute la misère intérieure. C'est dans un paysage entièrement désolé que nos tours sont dressés. Loin du monde et de tout complètement isolé. Ici, le profond sentiment d'impuissance a rongé les résidents. Rares sont ceux qui s'en sortent aux échecs excédents. Amputés des deux bras, on s'accroche avec les dents. J'ai comme issue ma vocation, le rap et de l'under, je reste un soldat. Un moyen de sortir mes troupes qui sont au pied de guerre contre l'État. La majorité au bord de l'explosion physique. Qui ont la haine contre ceux qui incarnent l'or. Acteurs politiques et flics. Surtout que la perche, ils refusent de nous l'attendre. Je rappe pour ceux qui ne peuvent plus attendre. Nos chances de réussite sont dérisoires. Trop de promesses illusoires. On veut plus voir nos frères sombrer dans le noir. C'est la war. Reprends les armes pour ceux qui ont perdu espoir et qui ne veulent plus croire aux promesses illusoires. On veut plus voir nos frères sombrer dans le noir. C'est la war. Reprends les armes pour ceux qui ont perdu espoir. Reprends les armes pour ceux qui ont perdu espoir.